Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la mosquée-cathédrale de Cordoue. Pour moi, ce monument est un véritable musée d'architecture. Car on y trouve ici des éléments d'architecture romaine, visigothe, musulmane de différentes périodes. Nous trouvons aussi une architecture gothique, de la Renaissance et une architecture baroque. Nous pouvons voir ici cette façade qui a des éléments décoratifs faits par des musulmans pour le compte des chrétiens au XIVe et XVe siècle. Et on peut voir aussi le clocher du XVIe qui enveloppe l'ancien minaret. Et au fond de la cour, on peut voir sur une porte de l'époque musulmane une construction qui soutient un retable du XVIe siècle. Le professeur d'histoire de l'art à l'Université de Cordoue, Manuel Pérez-Lozano, qui décrit parfaitement ce qui fait la richesse architecturale de la mosquée-cathédrale de Cordoue, ce mélange de styles, ce métissage assez unique des cultures musulmanes et chrétiennes, splendeur architecturale et témoin privilégié de la présence musulmane en Espagne, la mesquita est devenue site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. La grande mosquée ou mesquita est la plus grande mosquée en Europe. Cette salle, avec ses forêts de piliers, est dédiée à l'adoration. Des arcades doubles et massives soutiennent 850 colonnes. La forme de ces arcades aurait été créée à partir de techniques de construction romaine. Les piliers sont construits dans des styles architecturaux très variés. Au fond de l'allée principale se trouve le mihrab. Il indique la direction de la Mecque et c'est là que les musulmans viennent prier. Les murs intérieurs de forme octogonale sont décorés avec des motifs de bas-reliefs merveilleux qui représentent de l'herbe en fleurs. Au-delà de la forêt de piliers, une vision totalement différente apparaît. Une cathédrale chrétienne. En effet, au XIIIe siècle, Cordoue est une nouvelle fois dirigée par les chrétiens. Un projet est proposé visant à transformer la mesquita en une cathédrale. Mais le peuple de Cordoue choisit de conserver la beauté de la mesquita. Une mosquée et une cathédrale vont donc coexister ensemble. C'est l'un des plus beaux exemples de tolérance religieuse. Extrait d'un reportage d'UNESCO TV, l'UNESCO qui a donc fait de la mosquée-cathédrale de Cordoue et du vieux centre historique de la ville un site du patrimoine mondial en 1984. Pour nous parler de la valeur culturelle, de l'importance historique également de la mesquita, je reçois l'historien et ami de l'émission, Raphaël Walland. Raphaël Walland, bonjour. Bonjour Jacques, ravi de vous retrouver. Très content de vous retrouver également, Raphaël. Qu'est-ce qu'elle représente, cette mosquée-cathédrale de Cordoue, pour les Espagnols d'abord, Raphaël Walland? Ben, comme on va le voir, en fait, la réponse à cette question elle dépend de la personne à laquelle vous la posez. Les Espagnols ne sont pas d'accord sur sur ce que représente le monument, ni même sur son nom. Hein. Nous, on l'appelle en ce moment mosquée-cathédrale, mais il y en a pour lesquels ce fut une mosquée et ensuite est devenue une cathédrale, et il y en a pour lesquels il faudrait que ça reste une cathédrale, ou que ça redevienne une mosquée, ou que ça soit un musée. Oui. Au moins, tout le monde s'accorde, bon, comme le professeur qu'on écoutait tout à l'heure, pour y voir une œuvre architecturale incontournable, splendide, et puis surtout une poule aux œufs d'or qui accueille chaque année 1,5 million de touristes, alors dans une année normale, hein, 100 ans. Et puis aussi, ben, évidemment, cette mosquée-cathédrale, c'est le témoin d'une certaine période de l'histoire espagnole, du 8e au 15e siècle, une période durant laquelle le pays a été divisé entre une zone dirigée par des souverains musulmans, une zone dirigée par des souverains chrétiens, et ces souverains musulmans, dont le dernier a donc été expulsé au XVe siècle, ils ont laissé en Espagne des beautés, mais aussi des rancœurs et des disputes qui ressurgissent de temps en temps. Oui. On y reviendra sur la période visée, en fait, et sur la richesse historique de la mosquée-cathédrale dans un instant. Mais un mot quand même, tout de suite, sur le monument comme tel, sur sa beauté, sur son architecture assez unique. Comment décrire ce joyau-là, ce joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors, en vérité, votre extrait de l'UNESCO l'a déjà assez fait, mais il y a une impression particulière lorsqu'on est à l'intérieur. D'abord, pour arriver dans la mosquée, on se promène dans une série de ruelles ombragées. On arrive ensuite à un haut mur d'enceinte qui est percé de resplendissantes portes en bronze poli. Là, à l'intérieur, vous avez une grande cour dallée qui est entourée d'orangers. Et là, pour entrer, vous devez donc passer sous une première série de colonnades. Ensuite, vous avez donc ces 850 colonnes de pierre, de marbre, qui ont été récupérées dans toutes sortes de lieux de culte, qui forment donc cette forêt de colonnes. C'est comme si vous étiez dans une forêt en ville, une forêt culturelle, une forêt humaine. Oui. Et puis, tout à coup, dans cet ensemble qui est assez sobre, malgré toute son élégance, vous cheminez entre les travées, et là, vous tombez sur le contraire de cette sobriété, une nef, la nef de la cathédrale, décorée dans le style baroque, dégoulinante de marbre polychrome et d'anges d'eau dorés. Et c'est une œuvre d'art splendide, elle aussi, mais l'une sur l'autre, les deux tranchent un petit peu. Ouais, et c'est en fait pour quiconque y est allé, il y a un effet d'étonnement, de surprise, de presque de stupéfaction par ce métissage, ce mélange complètement, inhabituel, contre nature pratiquement, Raphaël Walland. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi la différence entre l'extérieur, donc assez sobre, presque une forteresse, un mur d'enceinte. Oui. Et puis quand vous êtes à l'intérieur, c'est le marbre, ce sont les arabesques, ce sont les sculptures. Et puis plus loin, donc c'est la cathédrale. Mais vraiment, il y a une grande différence entre ce qui a l'air d'être pas grand-chose et ce qui est une merveille à l'intérieur. Oui. Parlons de la façon dont ça va se prendre forme, ce monument assez unique, à quand elle remonte et comment ça va se décliner. Évidemment, il va y avoir différentes étapes. Cette construction de la mosquée qui devient ensuite cathédrale. Ah bien, la mosquée, en fait, la structure qu'on vient de décrire ensemble, elle date de 785, donc du 8e siècle. Elle a été construite par un émir, un prince musulman, qu'on appelle Abdelrahman Ier, et ses successeurs vont agrandir la structure en plusieurs étapes jusqu'au 10e siècle, jusqu'à en faire quadrupler la superficie. Et ensuite, donc, elle va être transformée en église. Là, ça, c'est le 13e siècle, et puis des travaux vont continuer jusqu'au 18e siècle. Ouais. Elle va être construite très rapidement, en l'espace de peut-être entre 6 et 9 mois. Et si elle est construite si rapidement au départ, c'est parce qu'en fait, on fait une large utilisation de ce qu'on appelle le remploi. Alors, on va arracher dans des églises des colonnes de marbre qui souvent avaient été arrachées dans des temples païens pour construire les églises dans un premier temps. Donc, on est dans un exemple de remploi, de réutilisation, de récupération de marbre, on pourrait dire. Et on va se servir de ça pour construire un bâtiment qui est sur un plan d'origine romaine. On appelle ça un plan basilical, donc comme une basilique. Avec une division en trois nefs séparées par les colonnes. On va aussi utiliser des arcs en fer à cheval, un élément de l'architecture romaine, oui. L'alternance des briques et des pierres de couleurs différentes pour faire un peu de couleur. Tout ça, c'est local. Mais en même temps, il va y avoir aussi des innovations, surtout avec le temps et les reconstructions. On va, pour rehausser le toit et dépasser la taille des colonnes d'origine, on va faire des arches doubles, splendides. On va aussi créer ce qu'on appelle l'arche polylobée. Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de dessiner un peu comme un nuage dessiné par un enfant avec mes mains. Là. Oui. Et puis surtout, on va couvrir les murs avec de la marqueterie, du bois sculpté, des céramiques dorées absolument extraordinaires, des arabesques et des lignes géométriques. C'est un ballet de lignes tout à fait élégantes et stupéfiantes, vous le disiez tout à l'heure. Oui, on vous écoute, puis on a envie d'y être, ça c'est certain. Revenons sur l'importance historique de cette mosquée-cathédrale de Cordoue. On l'a évoqué un petit peu au début de l'émission. Qu'est-ce que nous dit ce monument, Raphaël Walland, sur l'histoire de l'Espagne? Alors, comme on l'a dit, donc c'est un monument qui mélange des styles très différents, qui est construit à un moment où les musulmans dominent à peu près 80% de la péninsule de l'Espagne et du Portugal aujourd'hui. Ces musulmans, ils arrivent en Espagne en 711, à partir du Maroc. Ils vont rapidement abattre le royaume chrétien des Visigoths, qui est installé là depuis l'époque romaine, à peu près 300 ans avant. Et s'ils y arrivent très rapidement, en fait, entre 711 et 714, il conquiert à peu près toute l'Espagne. C'est parce que le royaume des Visigoths est affaibli par des dissensions internes et aussi parce qu'ils vont avoir l'intelligence de laisser beaucoup de pouvoir aux élites locales chrétiennes, y compris leur religion, y compris leur architecture. En fait, ils vont s'intégrer, ils vont prendre les impôts pour eux, mais ils changeront pas tant de choses que ça au tissu social et culturel, dans un premier temps en tout cas. Ouais. Et ce qui fait que peut-être qu'on a même parfois, vous me corrigerez, mais sombré dans une espèce de romantisme autour de cette espèce de cohabitation. Bon, d'abord, l'édifice incarne ça, ce métissage, cette rencontre de deux grandes religions. Et puis, on l'a pas encore mentionné, mais le Cordoue de l'époque, c'est aussi, puis ça, on le voit encore, et c'est protégé par l'UNESCO, ce qu'on appelle le quartier juif. Donc, il y a eu toute cette représentation, tout cet imaginaire d'une époque dorée où tout le monde cohabitaient pacifiquement ensemble. Dans les faits, est-ce que c'était ça? À quoi ça ressemblait, la vie au quotidien, dans cette Cordoue sous domination musulmane, Raphaël Walland? Alors, il faut comprendre qu'effectivement, c'est une ville et un royaume qu'on appelle Andalousie, ce qui est à l'ouest en arabe. C'est une ville et un royaume où cohabitent effectivement plusieurs groupes de foi différentes, des musulmans, des chrétiens, des juifs. Et si les musulmans sont au sommet de la pyramide, il y a des conseillers, il y a des marchands importants qui sont chrétiens, qui sont juifs. Et c'est quelque chose d'exceptionnel dans le monde du Moyen-Âge. Oui. Mais il ne faut pas exagérer et surtout il faut expliquer cela. La particularité, elle vient de deux éléments. La manière dont s'est réalisée la conquête et la situation politique très particulière de l'Andalousie. D'abord, lorsque les musulmans arrivent donc au 8e siècle, pour que la conquête se passe rapidement et facilement, ils vont, comme je l'ai dit, donc laisser des garanties aux nobles locaux qui vont rester les cadres du royaume après que le roi soit devenu musulman. Et ils vont aussi laisser aux chrétiens la possibilité et aux juifs la possibilité de conserver leur religion, leur pratique. Ils vont leur offrir en fait ce qui est un statut qui existe dans l'islam, qu'on appelle le statut de dhimmi ou protégé. C'est un statut inférieur qui en fait vous permet en échange d'un impôt spécifique et du fait de ne pas trop vous défendre, donc si vous êtes rendu, bah, vous pouvez garder votre religion, il n'y a pas de problème. Mmh. Et même si avec le temps il y a de nombreux chrétiens en Espagne qui vont se convertir à l'islam parce que vous payez moins d'impôts, alors évidemment c'est intéressant, il y a une question de conviction, il y a la volonté de mieux s'intégrer à la société des vainqueurs, mais ça n'empêche pas que même des siècles après la conquête, il y aura toujours une forte minorité de chrétiens et il y aura aussi un certain nombre de juifs. Donc ça, c'est le premier élément pour lequel oui. vous avez toujours cette minorité. L'autre élément important, c'est que en Andalousie, les musulmans eux-mêmes sont très divisés. Abdelrahman, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, celui qui fonde la mosquée de Cordoue, c'est un prince qui a fui la Syrie après une guerre civile qui a décimé sa famille, qui s'appelle les Omeyyades. Il ne peut donc compter que sur les ressources de la péninsule contre ses adversaires du reste du monde musulman. Et ça, bah, ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre de se mettre à dos les groupes chrétiens ou juifs. Dans ce cas-là, on se rend donc compte que, oui, il y a une tolérance, mais c'est une tolérance qui est intéressée, qui vient des circonstances, du fait que parmi les musulmans, vous avez une élite arabe qui est aussi en lutte contre une majorité de berbères, hein, donc il y a une espèce de lutte ethnique et linguistique aussi parmi les musulmans. Et donc, au final, ben, vous avez une Espagne qui est une société sans majorité claire. Le pouvoir est détenu par l'élite arabe, elle règne à travers une armée en majorité berbère, et il y a une administration avec des chrétiens, des descendants de chrétiens, des juifs. Oui. Et dans cette situation, c'est impensable d'essayer d'imposer une religion. Donc oui, vous avez une Espagne un peu multiculturelle, mais ce n'est pas parce que les seigneurs sont particulièrement éclairés, ce n'est pas des Pierre Elliott Trudeau du Moyen-Âge, c'est parce que les circonstances leur imposent cette tolérance. Oui. 1236, c'est un moment important, c'est un tournant important, c'est la période de la reconquête, de ce qu'on appelle la reconquête espagnole. Cordoue, à ce moment-là, tombe entre les mains du roi Ferdinand III. Ferdinand III qui aurait eu un rôle déterminant, dit-on, dans la préservation de la mosquée de Cordoue, comme en témoigne cet extrait du reportage de Vanessa Rouet, présenté sur la plateforme vidéo française Vodeus en 2011. À l'heure de la reconquête espagnole au XIIIe siècle, le roi de Castille et Léon, Ferdinand III le Saint, est ébloui devant tant de beauté. En entrant à Cordoue, il a passé un accord avec les musulmans, de sorte que si ceux-ci perdaient, ils ne détruiraient pas la mosquée à leur départ. Et il les a épargnés, si bien que Ferdinand III, le saint, arriva, Il respecta la mosquée et permit aux musulmans de partir avec tous leurs biens. Un premier édifice chrétien sera construit ici, la chapelle de la Villa Viciosa, aujourd'hui disparue. Au XVIe siècle, la chapelle de la Villa Viciosa étant devenue trop petite pour le culte chrétien, ils ont souhaité réaliser des agrandissements. C'est à ce moment-là qu'ils ont construit la croisée de la cathédrale de style Renaissance, avec ses marbres de toute beauté. Il y a aussi un chœur sculpté dans le plus pur bois d'acajou du monde. On peut dire que cette œuvre fut terminée au XVIIe siècle. Ainsi, la cathédrale, à l'architecture baroque et gothique, est-elle comme incrustée au cœur de l'art islamique ? Une alliance loin d'être unique à Cordoue. Des centaines de mosquées de l'époque musulmane n'ont pas été détruites, mais elles aussi transformées. Revenons sur cet épisode de la reconquête espagnole, Raphaël Hollande. Comment se fait, très concrètement, cette reconquête de l'Andalousie par les catholiques? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après 714, certains des Visigoths s'étaient accrochés dans les montagnes du nord du pays. Ils avaient réussi à rester indépendants du royaume musulman dans le sud. Et quand ce royaume-là va éclater au XIe siècle, ils vont commencer à redescendre des montagnes et puis s'emparer petit à petit du reste du territoire entre le XIe et le XVe siècle. Ils peuvent compter sur la division des musulmans, mais aussi sur le soutien de chrétiens qui viennent de France et qui sont enthousiasmés par les idées nouvelles au XIe ou XIIe siècle, de la croisade et de la possibilité d'effacer ses péchés en combattant les musulmans. Mais comme il y a plusieurs royaumes chrétiens et qui sont rivaux entre eux, la reconquête ou reconquista va aussi aller lentement. Et on est aussi parfois tenté de faire des accords avec les musulmans pour obtenir une ville à la place d'un rival. Et lorsque l'extrait qu'on vient d'écouter nous dit que Ferdinand est impressionné et qu'il veut absolument garder la mosquée, moi ce que j'entends c'est plutôt « je vous laisse vos biens si vous partez et que vous me remettez la ville ». Donc en fait on est exactement dans le miroir inverse de la conquête musulmane, c'est-à-dire une tolérance mais pragmatique, dans lesquelles c'est beaucoup plus simple que les gens se rendent à vous si vous leur laissez leur religion que si vous les obligez à combattre jusqu'à la mort et que vous leur imposez de changer, de devenir des chrétiens. Ouais. Cette politique de tolérance, elle va demeurer jusqu'au début du XIVe siècle, et à ce moment-là, il va y avoir une grave crise économique dans toute l'Europe, il va y avoir la peste aussi à partir de 1347, et à ce moment-là, on va avoir une christianisation de plus en plus forcée. Et surtout, après le XVe siècle, et lorsqu'il n'y aura plus de royaume musulman du tout, et il y aura un seul véritable royaume d'Espagne, il n'y aura plus aucun frein à une politique d'imposer sa religion, et les souverains espagnols cesseront tout à coup d'être tolérants lorsque les circonstances ne les y obligeront plus. Et ce qui fait que, par exemple, et pour revenir à ce fameux édifice, cette mosquée cathédrale, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette cathédrale gothique qui est construite au centre de la mosquée. C'est assez radical comme geste, Raphaël Hollande. Que dire de cette intervention-là? Cette intervention, j'ai envie de dire, politico-architecturale. En fait, c'est politique qui est le mot important. Bien sûr, on peut trouver que le bâtiment est très beau, mais il faut comprendre qu'un gigantesque et riche bâtiment comme celui-là, c'est pas seulement un lieu de culte. C'est avant tout un symbole du pouvoir royal, du lien privilégié des rois musulmans avec leur dieu, qui les légitime, qui leur offre des victoires. Et donc, le transformer en église, c'est montrer qu'on a gagné aussi, d'aller dans le plus grand et le plus beau des bâtiments et le transformer. Il est inéluctable, quand on s'empare d'un territoire à l'époque, qu'on transforme le bâtiment le plus important, le plus symboliquement chargé, en une église, si c'était une mosquée. Et d'ailleurs, les musulmans font la même chose de l'autre côté. Ouais. Maintenant, pour ce qui est du résultat, Charles Quint lui-même, qui était le petit-fils des rois catholiques qui avaient détruit le dernier état musulman d'Espagne au XVe siècle, va déclarer à ceux qui avaient construit une mosquée gothique au milieu de la mosquée qu'ils avaient détruit ce qui était unique pour faire la même chose que l'on voyait partout. Moi, je pense que la mosquée et la cathédrale sont toutes les deux splendides, mais l'une sur l'autre, l'une qui tire son élégance de sa sobriété et l'autre de la surcharge de détails, ça ne marche pas très bien ensemble. Ça tranche, comme je le disais. Ouais. Au tout début de l'émission, je vous demandais ce que représente cette mosquée-cathédrale de Cordoue pour les Espagnols, puis vous me disiez ça dépend à qui on pose la question. On va terminer l'émission justement sur cette tension qui persiste aujourd'hui encore. Il y a eu en 2015 une controverse autour de ce monument. On écoute à ce propos un extrait d'un reportage d'AFP Vidéo Francis présenté en février 2015, justement, puis on parle tout de suite après de ce qu'elle représente aujourd'hui, cette mosquée-cathédrale. Trésor historique, architectural et culturel, patrimoine mondial de l'UNESCO. La mosquée-cathédrale de Cordoue a attiré 1,5 million de visiteurs en 2014. Héritage de la domination musulmane sur la péninsule ibérique, elle symbolise aussi le dialogue entre les religions. Mais au guichet comme à l'entrée de l'édifice, le mot « mosquée » a disparu. Une plateforme de citoyens accuse l'Église catholique de vouloir occulter le passé. C'est un préjudice pour Cordoue parce que cela touche à son plus important signe d'identité, parce que la mosquée-cathédrale est le code génétique de la ville. C'est son axe culturel essentiel. Bien sûr, d'un point de vue économique, c'est la principale entreprise touristique de la ville. Édifiée sur les ruines d'une basilique entre le 8e et le 10e siècle, la mosquée est devenue cathédrale au Moyen-Âge après la reconquête de Cordoue. De tout temps, elle est restée dans un vide juridique, ni bien public, ni bien privé. Mais après une réforme de la loi immobilière, l'église a pu l'enregistrer à son nom au cadastre en 2006. Pour l'archevêché, il s'agissait juste d'officialiser une évidence. Nous n'avons pas fait, nous, les chrétiens, les catholiques, ce qu'ont fait les musulmans avec la basilique Visigoth, qu'ils ont complètement démolie. Nous avons non seulement respecté, mais entretenu et conservé le site. Tout visiteur peut parfaitement voir l'empreinte musulmane dans ce lieu. Mais aujourd'hui, c'est une cathédrale. Une cathédrale, personne ne le conteste. Pas même les musulmans de Cordoue, délibérément restés en dehors de la polémique sur la propriété du site. Mais pour eux, il ne faut pas déformer l'histoire en effaçant le nom de mosquée. Que dire, Raphaël Wallan, de ces tensions qui continuent d'exister aujourd'hui, on vient bien de l'entendre, autour de ce côté pluriculturel, plurireligieux de la mosquée-cathédrale de Cordoue? Alors évidemment, c'est révélateur de tensions qui traversent l'Europe en général et pas seulement l'Espagne, hein, le choc entre l'État et la structure religieuse, la culture majoritaire et minoritaire. Mais pour moi, cette mosquée-cathédrale, c'est surtout un admirable et fécond mélange d'influences artistiques très différentes et je pense pas qu'il devrait appartenir à quiconque ni une partie de cette histoire partagée. Bon, on s'arrête là-dessus. C'était comme si on y était, Raphaël Wallan. Merci beaucoup, Raphaël, historien, ami de l'émission. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.